Radiomatic. L'artiste anglais Jason Peter Buckle, ou si vous préférez J.P. Buckle, nous interprétait en introduction de cette transmission 091 d'Audiomatique sa composition Depressed Mode de son album Flying Lo-Fi. J.P. Buckle s'est fait entre autres connaître pour son travail au sein du trio The All Seeing Eye. Les électronistes vous accueillent pour la transmission 091 d'Audiomatique. Jusqu'à 18h, nous écouterons ensemble de la musique électronique. Et les électronistes espèrent d'ailleurs que leurs choix vous plairont et surtout qu'ils vous amèneront vers des découvertes musicales. Mais les électronistes aiment aussi revisiter des pièces plus connues, si l'on peut dire ainsi, et dans cet esprit, allons-y sans attendre avec Bonobo et la pièce Silver de l'album Animal Magic paru en 2000. Thank you. feeling, this feeling. Thank you. nous entendions la musique du projet Terrestre. C'est le projet de Fernando Corona, un Mexicain qu'on connaît aussi sous le nom de Murkoff. Il a été un des membres fondateurs du Nortec Collective, un collectif mexicain qui mélange le style norteño, qui est en fait un style de musique propre au nord du Mexique, et mélange donc ce style à la musique techno. Donc, de Terrestre, nous entendions la pièce Aluche's Night Out, tirée de l'album Secondary Inspection. Avant ça, c'était Barda qui nous offrait sa version de la pièce 1920, originalement composée par le projet Tribulin Sound. Cette pièce, qui est exclusive à la compilation régionale Presenta Temporal Remixes. Et c'est sur la musique de Bonobo, le projet de Simon Green, que nous entamions cette séquence. La pièce Silver que nous entendions est tirée de l'album Animal Magic, paru en 2000. Poursuivons maintenant la programmation musicale d'Audiomatique avec le duo français Binary Code. Thank you. Enter key. Too much pressure. Enter key. Too much pressure. Enter key. Précédemment, à l'intermède publicitaire, nous entendions à Audiomatique le projet québécois Boundary, mené par Ghislain Poirier, et sa pièce Dilemma, de son album homonyme paru en 2013. Tout juste avant Boundary, il s'agissait du duo autrichien Family C-League, formé de Daniel Sack et d'Alex Kellas, qui nous présentaient leur composition Bypass du mini-album Instant Flavor. Et la première offrande de ce segment s'intitulait Anorexia et était l'œuvre du duo français Binary Code, composé de Jake Chandler et de François-Xavier Michel, qui fait aussi partie du groupe Digital Blood et qui est derrière les projets OFXO et millimétrique. C'est maintenant le projet brésilien Psylo Samples de nous offrir sa version électro de la pièce Coichucui, composée à l'origine par l'artiste Edith Ramos Guerra. Thank you. le compositeur Andrés Bucci, compositeur chilien, nous offrait sa pièce Vince Damix, composée en 2001, pièce qui se retrouve sur la compilation Canción Electrónica. Et tout juste avant, nous entendions le projet brésilien Psilo Simples, mené par l'artiste Zé Rolé, et sa pièce Koi Chukui, tirée de la toute nouvelle compilation Sonidos Raíces del Perú, produite par l'équipe du webzine Sounds and Colors. Sur cette compilation, divers artistes contemporains se sont inspirés notamment du folklore au Pérou pour nous offrir des compositions électroniques. Nous mettrons un terme à cette transmission 091 d'Audiomatique avec le groupe allemand Dasich et leur chanson Reanimat, que l'on peut retrouver sur plusieurs parutions, soit en format vidéo sur la version allemande de leur album Antichrist, sur la version américaine de Relaborat, ainsi que sur les compilations Recapitulation et Relict. N'oubliez pas que mercredi prochain, nous vous présenterons la transmission 092 d'Audiomatique, toujours à 17h en direct des studios de CFOU 89.1 FM. Entre-temps, vous pouvez avoir accès à toutes nos anciennes transmissions grâce à notre profil facebook.com/audiomatique-CFOU. Voici donc Dasich et la chanson Reanimat. Bonne écoute et bonne semaine. Stück zerreißen, an meinem Leben zerreißen.